Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, émission qui va être entièrement heavy cette semaine, diffusée comme toujours sur le 94 MHz le lundi en direct à partir de 21h30 jusqu'à 23h et des brouettes, ou en rediffusion à partir de 23h le dimanche soir, également diffusée sur internet à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Écoute et téléchargement et l'ensemble des playlists également. Donc l'écoute à partir du mixcloud.com/redman également pour écouter l'émission en qualité un peu plus médiocre que le téléchargement, donc disponible sur le blog susmentionné. On va démarrer avec un combo de garage de chambre, comme ils aiment à se surnommer ces Américains du New Jersey, le guitariste Christophe Botta et le batteur Joseph Brancifort, qui forment le groupe The Cellar Endpoint, qui sort ces jours-ci un premier disque sur le label, le légendaire label trentenaire du Maryland Cuneiform, sous le titre Ambit. Donc c'est une musique assez polymorphe, ils se disent inspirés par Otech tout autant que le Wu-Tang Clan ou encore Morton Feldman. Il s'agit en fait d'un petit orchestre, un septet très exactement, deux guitaristes, un violoniste, violoncelliste, vibraphoniste et la section rythmique. Il s'agit de pièces composées depuis une petite dizaine d'années, et musicalement donc ça sonne comme du prog de chambre avec des colorations un peu jazz contemporain ou musique aussi un peu post-Weber. On écoute un extrait de ce Cellar Endpoint, le morceau Tabletop, extrait de ce disque en beat. Thank you. avouer que c'est lamentable de couper ainsi une musique de cette qualité, mais ça dure comme ça une bonne vingtaine de minutes, ce disque sous ce nom de formation très très étrange, avec le soleil sortant de sa bouche, qui est en fait une nouvelle formation québécoise, un nouveau projet du bassiste Jean-Sébastien Truchy, du mythique combo Fly Panam, auteur Fly Panam d'une petite série de galettes bien senties à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, et on n'avait pas de nouvelles depuis quelques temps, et donc ça y est, c'est chose faite. Il récidive sur le label Écurie Montréalais Constellation, avec cette nouvelle machine de guerre dans laquelle on retrouve l'ancien guitariste de Fly Panam, ainsi que Sébastien Fournier à la seconde guitare et à la production. L'album s'intitule Zuber Dust. Il vient tout juste de voir le jour en vinyle et en CD. Et il est articulé en deux longues suites assez dantesques, comme celle qu'on écoutait à l'instant sous le titre pour ce morceau. Donc Super Pastiche Fantastiche et New Sun, voilà, qui s'étend donc, comme je vous le disais, sur une vingtaine de minutes pour ce disque Zuber Dust de cette formation avec le soleil sortant de sa bouche. Juste avant, il s'agissait de la formation de Avant Garage de Chambre, The Cellar Endpoint, et le disque Ambit sorti sur Cuneiform, qui est un tantinet en dessous, mais qui est quand même plutôt assez de qualité également. On va continuer avec une formation libanaise, une fois n'est pas coutume. Il s'agit d'une formation qui rend hommage au célèbre guitariste Kerot Omar Khorshid, à qui Sir Richard Bishop des Sun City Girls avait également rendu hommage en reprenant pas mal de ses titres sur un disque. Il y avait eu aussi un album des compositions de ce guitariste qui accompagnait Oum Kalsoum et quantité d'autres disques, donc, étaient sortis sur Sublime Frequencies. Le titre de ce projet libanais, c'est Malayen, et on y retrouve à l'intérieur des gens assez intéressants, tels que Raed Yassine, qui est un percussionniste qu'on a pu entendre dans un projet de Impro Free en compagnie de Marzen Kerbash et Sharif Chenaoui. Il est en compagnie de Rai Yassine au clavier platine électronique et Charbel Haber, guitare électrique et électronique également. C'est une formation plutôt estampillé, ethno, un peu barré. Ce projet Malayin qui sort, ou qui a sorti plutôt un peu avant l'été, ce disque éponyme sur le label britannique Discrépante. Alors il y a des titres un peu Bollywood, mais revisités de manière assez de traverse, et puis aussi des choses percussives comme le titre que je propose ce soir, qui s'appelle Dina, qui est une sorte de drum and bass revisité par ces musiciens du Moyen-Orient de manière assez sublissime, donc une recomposition en règle de la drum and bass par des musiciens libanais, extrait de ce disque éponyme de Malayin, qui est d'ailleurs distribué par l'excellent distributeur français Metamkin. On écoute ça tout de suite. Thank you. des chatoiements électroniques à base de distorsions percussives ou bien l'inverse dans l'asile le plus sûr, avec tout d'abord l'excellent trio d'origine libanaise Malayenne avec deux E et un vinyle éponyme sorti un peu avant l'été sur l'excellent label britannique spécialisé dans les field recordings noisy et l'hypno barré discrépante. Excellent trio entre messieurs Ray Yassine, Charbel Haber et Khaled Yassine. Voilà donc des titres assez variés. Celui qu'on écoutait était une sorte de manière de déconstruire la drum and bass. Et il y a des choses nettement plus basées sur le oud mélangé avec l'électronique ou les field recordings. En tout cas, une musique contemporaine libanaise d'excellente facture et très très inventive. C'est livré avec un très beau poster et tout ça distribué donc par les bons soins de Metamkin. S'en est suivi une séquence autour du disque Frequencies Synthetic Variations de Nicolas Bernier, le sound artiste montréalais. On était retourné du côté du Québec avec ce disque qui était sorti l'an dernier au mois de septembre sur le label Entract, label britannique consacré aux expérimentations électroniques contemporaines qu'on n'avait pas eu l'occasion de passer jusqu'ici. Une pièce entièrement créée à partir de sources synthétiques, ce qui est assez rare pour Monsieur Bernier, lui qui est plus coutumier de travailler avec des field recordings dans un registre concret. Là, il s'agit d'une articulation ou plutôt d'une désarticulation d'ondes sinusoïdales entrechoquées de patterns rythmiques pour créer une sensation de synesthésie chez l'auditeur. Nicolas Bernier, qui est artiste associé cette année encore au festival Electronica, qui a lieu à Rennes cette semaine, ou plus exactement maintenant, puisque c'est le nouveau nom du festival Electronica depuis déjà 2-3 éditions. Festival donc qui démarre demain 14 octobre, et ce jusqu'au 19, soit dimanche, assez tard, ou tôt, comme vous préférez, le matin. Festival donc décliné sur un certain nombre de soirées comme celle de l'ouverture au Champ Libre. Il y aura pas mal de choses aussi pour les enfants, notamment à l'Antipode avec un bal électronique proposé par Piano Chat. Ce sera vendredi 17 octobre dans l'après-midi et aussi en soirée. Il y aura aussi Rick Le Cube Le Retour. Pas mal d'installations sonores aussi un peu partout en ville. Et donc Nicolas Bernier qui se produira pour Expérience 3 au Théâtre du Vieux Saint-Étienne. Ce sera les vendredis 17 et samedi 18 octobre. Alors ça joue apparemment deux fois dans la journée à 15h et à 20h. Et Nicolas Bernier sera accompagné pour l'occasion de son compatriote Martin Messier. Et il y aura aussi notre camarade Vincent Roussel, qu'on salue d'ailleurs, pour une performance sonore bourdonnante en modulation de fréquence et de texture mélangée électronique et acoustique. Vous avez plus d'informations bien évidemment sur le site du festival, où vous trouverez aussi des dépliants un peu partout en ville. On va continuer cette fois-ci avec des Australiens, un trio, un tantinet punk chaotique monté par trois vieux briscards totalement inconnus au bataillon en ce qui me concerne. Ils ont fait partie apparemment de formation power trio un peu do it yourself dans les années 90. Ça s'appelait Three-Toed Sloth, si ce nom vous évoque quelque chose. Ils viennent de faire paraître un nouveau projet sous le nom de Exile from Clown Town. L'album s'intitule Tape Scissor Rock et c'est sorti sur le label basé à Minneapolis Soft Abuse, qui a sorti ça à la fin de l'été. Un premier disque long donc pour ces trois musiciens à partir de différents singles qu'ils avaient fait paraître entre 2009 et 2013. 13, donc en 45 tours. Et ça fait un peu penser à ce que le Velvet Underground aurait pu produire s'ils avaient démarré une petite dizaine d'années plus tard. On écoute le groupe Exile from Clown Town et ce disque Tape Scissor Rock. Le morceau qu'on écoutera ce soir est assez joliment intitulé. Il s'appelle Something. Une séquence un tantinet vénéneuse dans l'Asie le plus sûr qui a démarré avec la formation australienne Exiles from Clown Town. Bon, un gros n'importe quoi, mais comme je les aime sacrément. Du do-it-yourself mal joué et sursaturé dans tous les sens par trois vieux briscards, donc australiens, comme je vous disais, et ce disque, donc Tape Scissors Rock, sorti chez Soft Abuse en vinyle, donc chaudement recommandé à tous ceux qui n'ont pas froid aux oreilles en ce qui concerne le free rock, qui était enchaîné avec Madame Ashley Paul et son nouveau disque enregistré tout au long de l'année dernière au cours de mouvements pendulaires entre New York et Londres. Il s'intitule Heat Source. Il va sortir dans une quinzaine chez Important Records et il fait suite à la cassette qu'elle avait fait paraître sur le label Cassona, qui est la petite subdivision d'Important Records au début du mois de juillet sous le titre White Night. Et donc, comme toujours avec Madame Paul, une musique extrêmement fragile sur le fil du rasoir, avec un jeu marqué par les silences et les accidents, une sorte de musique du lointain intérieur à laquelle on avait consacré une émission spéciale l'été dernier, au début du mois d'août, une émission que vous pouvez bien évidemment entièrement réécouter pour vous plonger dans cet univers sonore assez incroyable sur le blog de l'émission asile35.blogspot.fr. Et le troisième disque qui était enchaîné avec ce titre, qui était le titre qui ouvrait d'ailleurs cet album Heat Source de Ashley Paul, donc la troisième séquence de cette triplette, était un nouvel extrait du nouveau disque du Protest Synthetic Band de Brooklyn, Acceptor. Donc des compatriotes, ils doivent habiter à quelques pâtés de maison de Madame Paul. Et leur tout nouvel album, donc Familiar, qu'on a attendu pas moins d'une année, puisque c'était un peu l'arlésienne, la sortie de ce disque, qui est enfin sorti chez Blast First Petite, la subdivision du label Mute. C'est un disque qui a été enregistré lui aussi pendant une tournée en Europe en 2012, très exactement, et en l'espace d'un week-end, plutôt de manière assez rapide, enregistré au studio Faust de Prague, qui n'a rien à voir avec le groupe du même nom. Et le titre qu'on écoutait, c'était Same Address, Different City, avec la voix de John Felryan, qui se prenait pour Marky Smith de The Fall. Voilà, on va continuer avec une séquence plutôt d'expérimentation et d'improvisation, avec pour démarrer Monsieur Xavier Charles, clarinettiste, improvisateur bien connu dans nos contrées depuis une bonne vingtaine d'années, et organisateur aussi de festivals, notamment Densité ou Fren en Watt, qui vient de faire paraître un disque sur le label créé par Andy Moore, le guitariste de The X, le label Unsounds, qu'il a créé au début des années 2000. Xavier Charles, qui est souvent aussi dans les aventures du combo anarcho-punk hollandais, puisqu'il participe régulièrement aux tournées de The X. Et donc son ami Andy Moore lui a proposé de sortir un disque de ses compositions électroacoustiques pour clarinette, ou plus exactement des clarinettes mixées ou encore broyées dans des environnements sonores du quotidien. Alors c'est des environnements du type broyeur à légumes, ce genre de choses. Donc un disque plutôt qui se mange sans fin, sous le titre 12 Clarinets in the Fridge, sorti chez Unsounds en CD. Et je propose d'écouter la version des 12 Clarinets par Xavier Charles. Ah, je vous avais bien promis du métal dans l'asile de cette semaine et pari tenu avec cette curiosité et ce disque 33 tours publié par le label de Gand Smeraldina Rima sous le titre Stench par la formation The Gate. Donc une curiosité, comme je vous disais, puisque c'est une formation plutôt de jazz contemporain qui pratique le metal noise de manière assez étonnante, de manière improvisée. Et ce au tuba amplifié pour Dan Peck et à la basse électrique pour son camarade Tom Blankert. Tom Blankert qu'on a connu notamment aux côtés du trompettiste Peter Evans. Ils sont rejoints par le percussionniste Brian Osborne pour ce trio qui a déjà sorti deux disques précédemment, mais que je découvre avec celui-ci, Stench, donc, sur lequel ils sont rejoint par deux musiciens et pas des moindres, le bassiste électrique Tim Dale du groupe Child Abuse qui a sorti des disques notamment chez Skingraft, donc plutôt dans un registre rock noise, et Ned Woolley qui qu'on ne présente plus aux éditeurs de l'Asile le plus sûr puisqu'on vous passe régulièrement la musique de ce trompettiste improvisateur et aussi expérimentateur américain. Ned Woolley, d'ailleurs, je crois que le label Smeraldina Rima lui avait consacré aussi un 33 tours en solo. Solo où il mélangeait sa trompette au feedback de l'ampli, ce qu'il fait assez régulièrement. Donc un trio The Gate qui mélange metal noise et improvisation de haute volée. Le disque est entièrement comme ça, du début à la fin, avec des pièces d'une bonne huitaine, dizaine de minutes à chaque fois, dans un registre assez extrême et plutôt assez chatoyant à l'oreille, je dois dire. Voilà pour The Gates with Tim Dale and Ned Woolley, qui était précédé par une improvisation électroacoustique par Xavier Charles, qui avait placé pas moins de 12 clarinettes dans son frigo. Alors, autant vous dire que je n'ai pas vraiment compris l'argument de ce disque. Enfin, plus exactement, je n'ai pas réussi à trouver de description de Monsieur Charles assez claire de la manière dont il a procédé pour ce disque publié par le label Unsounds. Je pense qu'il s'agit tout bonnement de retraitement de sa clarinette avec des instruments du quotidien. Quant à savoir s'il a enregistré les bruits de ses œufs ou de ses betteraves mélangés aux clarinettes, ça je ne peux pas vous le dire. En tout cas, un disque très très réussi par Xavier Charles, ce 12 Clarinets in a Fridge. On va continuer avec une formation qu'on vous avait déjà passée dans l'Asile le plus sûr, notamment dans une mixtape un peu spéciale qui avait été diffusée au milieu du mois de septembre, un peu spéciale puisqu'elle était entièrement muette. Un contretemps nous avait empêché d'enregistrer les voix. Il s'agit d'une émission qu'on avait consacrée à la formation dédiée à l'improvisation free en Turquie, Construct qui est une formation qui a été au départ créée en trio grâce notamment au joueur de guitare électrique et différents instruments également, qui est un peu le leader de cette formation, monsieur Umut Emek Saglar, qui joue tout autant de la guitare que de l'orgue Farfisa, de la flûte, des clarinettes Zurna et autres percussions, et qui a créé donc cette formation Construct qui est rapidement devenue un quartet avec l'adjonction du saxo flûtiste Koran Futachi et des deux batteurs percussionnistes Koran Arguden et Ozun Ousta, qui joue aussi parfois de la basse. Ils ont sorti pas mal de choses. Je propose d'aller, par exemple, écouter donc cette mixtape sur le site de l'émission asile35.free.fr pour vous en rendre compte, notamment donc des disques en compagnie de vétérans du jazz free américain ou européen. Il y a eu notamment Marshall Allen de Sun Ra qui les a rejoints pour certains lives qui ont été édités en disque, également Aven Parker ou encore Peter Brotzmann. Monsieur Saglar a sorti aussi une bonne soixantaine de bandes sur son propre label Reconstruct pour documenter la scène qu'ils ont contribué à créer du côté d'Istanbul. Ils ont réussi à fédérer pas moins de 20 à 25 musiciens autour d'eux. Et donc ils reviennent en cette rentrée avec un album en compagnie du trompetto-saxophoniste Joe McPhee, autre vétéran depuis la fin des années 60 du jazz contemporain, et un disque sous le titre Babylon, The First Meeting of Istanbul, sorti en 33 tours par le label Roratorio Records, et qui est une improvisation en concert qu'ils ont enregistrée au mois de mars dernier. Le quatuor de Free d'Istanbul en compagnie de Joe McPhee. On va écouter donc un long extrait, c'est quatre longues pièces, extrait donc de ce disque Babylon, The First Meeting of Istanbul, et un titre qui va un peu faire la corrélation avec la musique de Sun Ra, beaucoup de percussions et de sons synthétiques pour ce titre qui démarre ce 33 tours, le morceau Flies Water. Thank you.

Un extrait de ce concert enregistré au mois de mars de cette année par l'extraordinaire combo de jazz free et improvisé originaire d'Istanbul, Construct, qui rencontrait le vétéran Joe McPhee sur cette galette Babylon, The First Meeting of Istanbul, publié par les bons soins du label américain Roratorio Records. Ça vient tout juste d'atterrir chez les distributeurs, histoire de se rappeler que du côté d'Istanbul, il y a aussi des excellents musiciens comme la formation de Umut Saglar, le guitariste et multi-improvisateur qui mène cette formation Construct. Histoire aussi de se rappeler de la Turquie et aussi des Kurdes et du combat des Kurdes du côté de Kobané en Syrie. Construct qui a aussi participé d'ailleurs à la lutte du côté de la place Taksim. Voilà, donc l'émission touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et consulter les playlists sur le blog asile35.blog spot.fr. Les émissions sont entièrement podcastables en très haute qualité. Vous pouvez aussi poster des commentaires ou lire les nôtres et aussi écouter en streaming en plus basse qualité, cette fois-ci sur le mixcloud.com/redman. On va se quitter avec un dernier titre et un album que j'adore, qu'a publié le violoncelliste multi-instrumentiste originaire du Kansas, Aaron Martin, il y a de ça quelques mois, sous le titre Chapel Floor, sur le label de Monsieur Expo 70, Justin Wright, Sonic Meditations, qui a sorti cette cassette sous le titre donc Chapel Floor par Aaron Martin, que vous pouvez d'ailleurs écouter également sur internet. Et on va se quitter avec le titre Autism, qui sera un excellent prélude à un décollage à l'horizontale. Je vous souhaite une excellente semaine donc et une très bonne nuit. À bientôt. Thank you. Thank you.